Je voudrais faire une analyse suffisamment profonde du phénomène de la mort. Pour en développer Pardon, tu peux voir. Si, juste si. Comprenez-vous ce que je dis? Comprenez-vous d'abord? Alors, je voudrais faire une sorte d'analyse du phénomène de la mort, non pas pour que vous vous intéressiez à ce que je dis, mais pour soulever dans votre esprit une sorte de voile, c'est-à-dire une sorte de, pour vous permettre de peut-être percevoir une certaine vibration qui se loge dans le supramental et qui peut vous permettre de vous localiser vis-à-vis l'importance de la vie dans la matière versus ou contre le phénomène naturel et inévitable de la mort. Et pour le comprendre, le phénomène de la mort, dans une perspective supramentale, il faut le comprendre dans le cadre de l'évolution de l'humanité future et de l'humanité ancienne. D'abord, le phénomène de la mort naturelle qui est inévitable dans l'expérience de l'homme, sur le plan de l'évolution, retarde l'évolution. Et la raison pour laquelle la mort de l'homme retarde l'évolution, c'est parce que lorsque l'homme meurt et que ses principes sont décomposés après que l'homme se retire du corps physique, il ne reste de ces principes que la mémoire qu'ils ont enregistrée au cours de l'expérience. Et quand l'homme meurt, il retourne sur les autres plans, mais il n'est plus un homme. Il est simplement une mémoire qui est composée de la mémoire de l'expérience, dans le principe vital, dans le principe émotionnel ou dans le principe mental. Et à un certain moment, l'âme retire la mémoire de ces principes-là et il ne reste plus dans les éthers que des enveloppes vides de la mémoire de l'homme, autrement dit, vides complètement de l'expérience humaine. Et cette mémoire-là, elle est retransmise aux archives et elle sert pour la création des modèles de vie de l'avenir ou du futur. Et lorsque le principe mental ou émotionnel ou vital doit être reconstitué pour une incarnation, à ce moment-là, la mémoire est réimprimée dans ces principes-là et on a ou on retrouve sur le plan humain une incarnation. Mais ça, c'est purement technique, ça. La raison pour laquelle la mort doit être éliminée de l'expérience naturelle de l'homme, c'est parce que les mondes de la lumière, les mondes qui sont en dehors du plan de l'âme, les mondes qui gèrent, si vous voulez, l'évolution du cosmos en général, des systèmes solaires, des galaxies, ces mondes-là ont besoin éventuellement de l'homme pour parfaire, à un certain niveau d'évolution, des tâches que ces mondes-là ne peuvent pas faire. Alors, les ajusteurs de pensée, par exemple, ou les êtres qui sont dans la lumière et qui font partie de l'intelligence, ont besoin de l'homme. Et tant qu'ils n'ont pas accès à l'homme, qu'ils ne peuvent pas travailler à l'homme, avec l'homme, parce que l'homme meurt, parce que l'âme se retire éventuellement de ses corps lorsque le corps matériel est affaibli, ces êtres-là sont obligés d'attendre et d'attendre de très grandes périodes jusqu'à temps que l'homme arrive à un stade d'évolution suffisant pour pouvoir vivre du rayon de la création. au lieu de vivre de la mémoire, qui fait partie de l'accumulation expérientielle de l'âme et qui est divisée en trois activités mémorifiques, le vital, l'émotionnel et le mental. Tant que l'homme est obligé de mourir, il ne sert aucunement à l'évolution. Il sert à l'évolution de l'âme par l'expérience. Mais ce n'est pas l'homme qui bénéficie de l'expérience, c'est toujours l'âme. Et la preuve, c'est que l'homme, à un certain moment, doit mourir, autrement dit, se retrouver divisé dans ses principes, dans des mondes où la conscience qu'il avait sur le plan matériel n'existe plus en tant que telle, parce que la relation des principes n'existe plus. Pour qu'un homme soit composé, il faut qu'il y ait au moins un principe mental, émotionnel et vital qui lui permette de synchroniser certaines énergies pour lui permettre de faire expérience d'être, autrement dit, d'avoir une soi-conscience. Mais lorsque l'homme est mort, lorsque les principes sont divisés, la soi-conscience n'existe plus, mais il existe une mémoire qui est participante à chaque principe qui constitue l'homme, mais qui ne permet pas que l'homme soit. Dans l'évolution qui vient, la sixième race, la septième race et les autres évolutions futures, l'homme ne pourra pas mourir. L'homme ne devra pas mourir. Et quand je dis que l'homme ne mourra pas, je ne veux pas dire que tous les hommes de la sixième race seront nécessairement immortels. Mais je dis que au début de la sixième race, il y aura des hommes qui seront immortels et parce qu'ils seront immortels, ils auront le pouvoir de gérer l'évolution future de la sixième et de la septième race. Et ce n'est qu'au cours de la septième race que toute la planète sera conscientisée et que nous retrouverons sur la Terre ce qu'on appelle l'homme-esprit. Au début de l'évolution de la sixième race, il y aura un certain nombre d'hommes sur la Terre qui connaîtront l'immortalité. Et cette immortalité leur sera transmise, ce pouvoir de la volonté sur le corps matériel, leur sera transmise parce que ils auront compris, non pas par l'intellect, mais ils auront compris que l'homme, essentiellement, dans l'avenir, ne doit vivre que de la vibration du rayon en lui et jamais de la mémoire de l'âme. Tant que l'homme vit de la mémoire de l'âme, il est soumis à la conscience expérimentale de la planète, il est soumis à ses émotions et à son intellect. Il est soumis à des forces extérieures à lui-même, et la totalité de ses forces, la totalité de ses impressions qui sont dirigées vers lui, lui empêche de sentir la vibration du rayon. Et la vibration du rayon, vivre dans la vibration du rayon, ce n'est pas facile. Parce que le rayon est une énergie très puissante, à l'intérieur de laquelle s'exécute ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée. Mais c'est une énergie très puissante qui traverse tous les plans de l'âme de l'homme et qui unifie tous ces plans et qui permet à l'homme, petit à petit, de se sensibiliser à lui, c'est-à-dire de vivre de plus en plus quotidiennement, minute par minute, dans la vibration de ce rayon. Et un homme qui vit dans la vibration du rayon et qui accumule suffisamment d'énergie en lui, éventuellement, de par ce fait même, détruit la mémoire de l'âme. La destruction de la mémoire de l'âme, c'est pas une destruction qui est rendue possible par l'homme sur le plan philosophique ou sur le plan psychologique. La destruction de la mémoire de l'âme, c'est la rupture qui s'occasionne dans l'homme lorsque il prend conscience de la vibration du rayon et qu'il s'aperçoit que le rayon a sur lui non pas un pouvoir, mais une volonté vibratoire. Une volonté vibratoire suffisamment forte pour neutraliser son émotion et neutraliser son intellect, rendre son mental totalement vide ou empêcher que son émotion éclate lorsqu'il est confronté avec des expériences quotidiennes. Lorsque l'homme commence à sentir la vibration du rayon, il commence à entrer dans ce qu'on appelle la volonté cosmique, c'est-à-dire dans l'application du rayon dans sa vie au niveau du mental, au niveau de l'émotion, au niveau du vital. De sorte qu'éventuellement, l'homme vit de la vibration du rayon. Et vivre de la vibration du rayon, c'est extrêmement concret. Ce n'est pas abstrait, ce n'est pas philosophique, ce n'est pas psychologique, c'est très concret. Et dans le cas de l'homme qui va vers l'immortalité, vivre de l'énergie du rayon de plus en plus implique automatiquement une sorte de souffrance. Non pas une souffrance psychologique, mais une souffrance vibratoire qui fait qu'il sent toujours en lui cette présence vibratoire qui est permanente ou qui devient de plus en plus permanente et qui ne peut plus le laisser. Il ne peut plus éventuellement en être libre de cette vibration-là. Et lorsque le rayon passe dans le mental, mais l'homme est actif sur le plan mental, lorsque la vibration du rayon passe dans l'émotionnel, c'est la même chose, dans le vital, c'est la même chose. De sorte que, techniquement, l'homme vit du rayon. Et si le rayon devenait encore plus puissant parce que l'homme avait le pouvoir d'absorber son énergie, l'homme pourrait vivre du rayon sans se nourrir matériellement. Autrement dit, la puissance du rayon, c'est la puissance de la vie dans l'homme, canalisée par l'ajusteur de pensée, selon sa capacité émotive et mentale et vitale d'absorber ce rayon. Et lorsque l'homme commence à vivre dans le rayonnement de ce rayon-là, il commence à s'acheminer lentement vers l'immortalité, et à un certain moment, lorsqu'il prend conscience de la présence du rayon, il ne peut plus en sortir, et c'est à partir de ce moment-là qu'on dit que l'homme est intelligent, que l'homme est dans la volonté, et ainsi de suite. Le phénomène de la mort empêche tout ça. Le phénomène de la mort empêche tout ça parce que dans le phénomène de la mort, l'homme est toujours exécuté sur le plan matériel selon la mémoire de l'âme, selon la mémoire qui est enregistrée dans son émotionnel et dans son mental ou dans son vital pour des raisons expérientielles qui conviennent à l'âme mais qui ne conviennent pas à lui en tant qu'être évolutionnaire qui doit éventuellement se conscientiser d'une façon parfaite afin éventuellement d'avoir le pouvoir sur la vie. Et quand je parle du pouvoir sur la vie, je veux dire ceci. Avoir le pouvoir sur la vie, c'est être capable de sommer à l'instant suffisamment d'énergie qui vient du rayon pour contrôler les forces qui empêchent l'homme de spiritualiser la matière, c'est-à-dire de donner à la matière une conscience qui est parallèle en vibration avec la sienne, et qui lui permet d'augmenter le taux vibratoire de la conscience planétaire pour des œuvres quelconques liées à l'évolution d'une civilisation occulte pour le temps présent. Si on regarde l'homme tel qu'il est aujourd'hui ou tel qu'il a été depuis des siècles, on s'aperçoit que l'homme est incapable de contribuer le moindrement à l'évolution de la galaxie parce que l'homme est incapable de traduire dans son mental ou dans son émotionnel ou dans le vital l'expression vibratoire du rayon en lui. Et ce qui l'empêche de faire ça, c'est justement tout le caractère nocif qui lui est imposé par acculturation, c'est-à-dire la société, la forme sociale, les contraintes sociales, et en plus, la mémoire de l'âme qu'il apporte avec lui lorsqu'il vient au monde et qui lui donne son tempérament et son caractère. On peut dire beaucoup de choses sur le caractère d'un individu ou le tempérament d'un individu. Sur le caractère d'un immortel, sur le tempérament d'un immortel, on ne peut pas dire grand-chose parce qu'un immortel est un être qui est totalement en science de l'esprit. Un immortel est toujours dans la science de son esprit, c'est-à-dire qu'il est constamment dans le mouvement vibratoire du rayon à travers son mental et son émotionnel, de sorte que la personnalité qui est colorée par un tempérament ou un caractère est toujours une personnalité fictive qu'il se sert à volonté pour faire un certain travail. Mais c'est toujours une personnalité qu'il peut changer à volonté s'il veut pour créer un autre travail. De sorte que la personnalité d'un immortel, sur le plan mental ou sur le plan émotionnel ou même sur le plan vital, ne sert pas de règle de mesure à l'homme. Parce que cette personnalité, elle est sujette à la vibration du rayon, autrement dit, elle est sujette à l'intelligence du rayon qui devient intériorisée dans l'homme et qui permet à l'homme éventuellement de créer une personnalité selon le besoin de la cause. Mais dans le cas de l'homme, dans le cas de l'homme planétaire, dans le cas de l'homme qui va vers la conscience cosmique, qui va vers la conscience supramentale, dans le cas de l'homme qui va vers la liberté totale de ses actions en relation avec l'impôt, avec les conditions imposées par son appartenance à un régime mécanique tel que la vie inconsciente, on peut dire beaucoup au niveau de la personnalité et du caractère. Et si on prend le caractère, on s'aperçoit que le caractère de tous les individus est toujours une coloration imposée sur sa vie d'homme par la mémoire de l'âme. De sorte que si on rencontre un homme dans la vie qui n'est pas en fusion, qui n'est pas dans un stage d'évolution suffisamment avancé pour totalement contrôler les vibrations de cette âme-là, on s'aperçoit que le bonhomme est toujours à un désavantage. C'est qu'il a toujours un caractère, que ce soit un caractère positif ou que ce soit un caractère négatif, mais il a toujours un caractère qui, dans certaines conditions, va le servir et qui, dans d'autres conditions, vont le desservir. Autrement dit, l'homme n'a jamais un caractère parfait. Il y a toujours un aspect de lui qui est positif, s'il est évolué, mais il y a toujours aussi un aspect de lui qui est négatif. Et le fait que le caractère de l'homme soit polarisé, le fait que le caractère de l'homme contienne certains aspects qui sont utilisables dans la vie pour son bénéfice personnel en tant qu'homme, et le fait qu'il y ait des parties de lui qui ne soient pas utilisables dans la vie parce qu'elles empêchent cet homme de réellement manifester à travers sa personnalité des paramètres d'action ou de manifestation qui lui sont valables, on s'aperçoit que l'homme est même prisonnier de son caractère. Et au niveau du tempérament, c'est la même chose. Le tempérament est une qualité de l'homme qui fait que la nature de son émotionnel, la nature de son mental, est toujours colorée par sa personnalité. De sorte que s'il est venu riche, son tempérament est d'une façon, s'il est venu pauvre, son tempérament est d'une autre façon. De sorte que dans le tempérament aussi, l'homme peut-être vexé, c'est-à-dire que dans le tempérament, si le tempérament a beaucoup d'aspects positifs, comme la richesse, ou je ne sais pas, ou l'aise financier, ou l'aise culturel, ou quoi que ce soit, à ce moment-là, l'homme bénéficie de ce tempérament. Et si, par contre, l'homme a un tempérament qui est plutôt asservi à des conditions de vie ou existentielles de qualité secondaire, il en souffre. De sorte que l'homme est prisonnier de son tempérament et de sa personnalité, et son caractère lui impose des conditions de vie souvent qu'il voudrait voir autrement, mais qu'il ne peut pas parce que le caractère fait partie de la mémoire de l'âme. Alors, qu'est-ce qui reste alors? J'ai déjà parlé qu'un homme qui se conscientise doit apprendre une leçon fondamentale de la vie afin de permettre au rayon de descendre en lui et de briser son caractère. Pas briser son caractère dans le sens psychologique du terme, mais de briser son caractère dans le sens que le rayon ait la puissance vibratoire pour altérer son caractère, pour qu'il ne reste de son caractère que des aspects créatifs et non des aspects positifs ou négatifs. Et pour que l'homme puisse en arriver à recevoir cette vibration qui est dans le rayon et qui puisse altérer son caractère, le rendre totalement créatif, il est essentiel que l'homme apprenne à ne jamais se prendre sérieusement. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on se prend sérieusement, on joue le jeu de l'âme. On le joue à notre insu et on le joue d'une façon tellement bien qu'on est incapable de ne pas le jouer. Et ce qui se passe, c'est que souvent, Si on apprend dans une situation de vie à ne pas se prendre au sérieux, on s'aperçoit que souvent ça nous fait très mal et qu'on trouve ça très, très difficile. Je vous donne un exemple. Vous avez certainement eu dans votre vie des expériences où, par exemple, surtout quand vous étiez plus jeune, où on vous chicanait. Puis tout d'un coup, on vous disait, bon, mais il n'y a rien là. Mais pour vous, il y avait quelque chose là. Vous n'étiez pas capable de vous changer dans l'instant et de vous amener à un stage mental suffisamment haut en vibration pour vivre, pour faire l'expérience du rien. Là. Autrement dit, de passer d'un état impliqué dans une condition de vie qui ne faisait pas votre affaire à une condition de vie consciente où vous étiez totalement neutre à la condition. Et ça, c'est le caractère qui nous empêche ça. Autrement dit, c'est le pouvoir de l'art sur la personnalité, sur l'ego. Alors, ça va loin. Lorsque l'âme a le pouvoir de faire vibrer la mémoire d'un ego et l'empêcher de vivre la présence du rayon en lui parce que la mémoire est trop fraîche, est trop vibrante, à ce moment-là, l'homme est incapable de vivre du rayon. Mais le même mécanisme s'applique au niveau du rayon. Un homme qui entre dans la vibration du rayon et qui est suffisamment avancé dans la vibration pour en être totalement conscient, s'aperçoit que le rayon peut le faire vibrer et que dans une condition de vie quelconque, il ne peut pas altérer son état. Quand même qui voudrait être gentil, qui voudrait être fin, qui voudrait être réellement se mettre au neutre, il n'est pas capable. Mais la fonction est différente. C'est que quand tu es assujetti à l'âme et que tu ne peux pas te mettre au neutre, c'est parce que ton émotion t'empêche de te mettre au neutre ou ton intellect t'empêche de te mettre au neutre. Autrement dit, c'est l'âme qui a sur l'âme le pouvoir. Mais dans le cas du rayon, c'est totalement l'opposé. Le rayon, à cause de sa vibration, va s'imposer à l'homme, par le mental ou l'émotion. L'homme ne pourra pas se mettre au neutre. Et il voudrait se mettre au neutre. Mais il ne peut pas. Et le fait qu'il ne peut pas et qu'il soit obligé de demeurer dans la vibration du rayon, et qu'il soit obligé même de se faire expliquer par l'intelligence du rayon que ça va durer une demi-heure, attention, ou que ça va durer une heure, attention, ceci crée un travail qui détruit la mémoire de l'âme. Mais l'homme doit comprendre très précisément la nuance entre un état émotif et mental qui n'est pas résolvable et qui est imposé par l'âme et un état émotif et mental qui n'est pas résolvable mais qui est imposé par le rayon. Il y a une maudite différence. Et lorsque l'homme réalise que son état mental ou émotif qui n'est pas dû à l'âme, mais qui est dû au rayon, lorsque l'homme comprend ça, automatiquement, il se produit en lui une pénétration du rayon. Le rayon ne peut pas rentrer dans l'âme, ne peut pas rentrer dans l'homme, ne peut pas se faire sentir dans l'homme doucement. Il ne peut pas se faire sentir dans l'homme sans heurts, sans choc. Parce que le rayon, à cause de sa puissance, lorsqu'il entre, lorsqu'il pénètre dans les éthers de l'homme, lorsqu'il entre dans ses principes, il entre d'une façon tellement parfaite que la moindre pénétration crée un choc vibratoire. Mais si l'homme comprend ce qui se passe, si l'homme réalise que l'état dans lequel il est n'est pas altérable, quelle que soit sa bonne volonté, que cet état est totalement au-delà de son caractère ou de son tempérament, à ce moment-là, l'homme commence à absorber en lui l'énergie du rayon. Et une fois que ça s'est commencé, ça continue. Et un jour, le rayon amène l'homme à un taux de vibration suffisamment élevé pour le faire passer d'un plan à un autre parce qu'il aura détruit en lui la mémoire de l'âme. Cet aspect de la psychologie supramentale est extrêmement subtil. Et elle ne peut se comprendre que dans l'expérience. Elle ne peut pas se comprendre psychologiquement. Parce qu'elle est totalement vibratoire. Mais un homme qui la comprend, cet aspect, commence à cesser de souffrir de la vie. Mais il commence à souffrir du rayon. Alors, pour que l'homme commence à souffrir du rayon, il faut qu'il cesse de souffrir de la vie. Quand tu souffres de la vie, tu souffres de l'âme. Quand tu souffres du rayon, tu ne souffres pas de la vie, mais tu souffres du rayon. Et il y a un mur entre ces deux genres de souffrances-là. Elles sont toutes les deux différentes. Un homme peut souffrir du rayon et être dans la vie très bien, très à l'aise, pas de problème. Aucun et souffrir du rayon. Mais un homme peut être dans la vie et n'avoir aucun problème et ne pas souffrir du rayon. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est bien subtil et la différence, elle est très, très vaste. Et elle est absolue, la différence. Si tu souffres du rayon, quand même que tu serais l'homme le plus riche au monde, tu vas avoir des tensions anyway. Fait qu'à ce moment-là, ton argent, ça sert à rien, ton pouvoir politique, ça sert à rien, ta machine de la vie, ça sert à rien. Quand tu souffres du rayon. Quand le rayon arrête, là, t'es correct. T'as un break. Mais aussitôt que tu commences à souffrir du rayon, quel que soit ton état de vie, t'en souffres anyway. Mais, il y a une différence entre souffrir de la vie et souffrir du rayon. C'est que quand tu commences à souffrir du rayon, au moins tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tandis que quand tu souffres de la vie ou que tu souffres pas de la vie, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Fait que si tu souffres de la vie ou que tu ne souffres pas de la vie, tu t'en vas vers la mort anyway. Mais si tu souffres du rayon et que tu souffres pas de la vie, parce que quand tu souffres du rayon, tu souffres pas de la vie, automatiquement, tu t'en vas vers l'immortalité. Bon. Depuis des millénaires, depuis l'implantation de l'homme sur la Terre, les forces spirituelles, autrement dit les forces de l'âme, ont tout fait pour densifier l'énergie de l'âme, pour rendre son être tellement dense que l'homme, à un certain moment, ne pouvait plus avoir la sensation étrange, mais réelle, d'un monde de lumière. L'homme pouvait avoir la sensation de la mort, l'homme pouvait avoir la sensation de plan astro, whatever. Mais l'homme ne pouvait plus avoir la sensation du monde de la lumière qui entoure la Terre. Monde vers lequel l'homme un jour doit s'en aller parce que ça fait partie de l'évolution de l'homme. Alors, automatiquement, l'homme a développé une mémoire grandiose de son expérience. Une mémoire tellement vaste au niveau mental, émotionnel et vital que, aujourd'hui, il est incapable, par lui-même, de réaliser la différence entre lui-même et l'autre lui-même. Parce qu'effectivement, l'homme a plusieurs lui-même, parce que l'homme est multidimensionnel. Mais les autres lui-même, autrement dit, les autres conjonctions de champs de force qu'il compose, ne sont pas appréciables quand il est dans la matière. Et surtout, quand il est inconscient dans la matière. De sorte que tout ce qui reste de l'homme, c'est l'inconnu, l'abstrait qui est derrière le mur de la vie qu'on appelle la mort. Et les hommes pensent que c'est là qu'il y a quelque chose. Lorsqu'en réalité, après la vie matérielle, il n'y a plus rien là. T'es en banqueroute quand tu meurs. T'es reconstitué pour l'évolution de l'âme, mais toi personnellement, t'es en banqueroute. Mais l'homme n'a jamais compris qu'est-ce que c'est l'aspect personnel de lui-même. L'homme n'a jamais réalisé qu'est-ce que c'est que ça veut dire lui-même. Et la raison pourquoi l'homme n'a jamais réalisé qu'est-ce que c'est que ça veut dire lui-même, c'est parce que l'homme a toujours été dans l'illusion que le lui-même, c'est le lui-même qui est le produit dans son expérience du mental, de l'émotionnel et du vital. Autrement dit, de sa personnalité. Ça, c'est une erreur fondamentale, c'est une erreur monumentale de l'homme, parce que l'homme n'a pas besoin d'être conscient de sa personnalité pour être lui-même. Parce que lorsque l'homme entre dans le lui-même, autrement dit, quand que l'homme entre dans son esprit, il n'a plus besoin de sa personnalité. La personnalité est simplement un véhicule qui permet de canaliser cette énergie-là pour le bénéfice de l'évolution et pour sa vie matérielle. Mais l'homme en tant que tel n'a pas besoin d'être lui-même, de vivre le lui-même. Puisqu'il est autre chose que ça. Mais cette autre chose que ça est totalement en dehors de sa propriété parce qu'elle n'a pas été construite. Autrement dit, l'homme sur la Terre dans l'état d'inconscience est simplement un blueprint. On est un blueprint. Tous les hommes sur la Terre sont un blueprint. Et le produit du blueprint n'est pas fait. Et les hommes pensent que le blueprint, c'est ça, là. Pourtant, c'est rien qu'un blueprint. Et pour que l'homme se réalise en tant qu'homme, éventuellement, il va falloir qu'il sorte du blueprint. Autrement dit, qu'il sorte de la mémoire. Qu'il sorte de la mémoire mentale, émotionnelle et vitale, qui est la propriété de l'âme, pour arracher à cette énergie, à ce centre d'énergie, toutes les vibrations possibles qu'elle possède, pour se les intégrer dans le mental, le vital et le physique, quand il est sur la Terre. Pas l'autre bord, il est trop tard l'autre bord. Mais quand il est. Et quel est l'instrument permettant à l'homme ceci? C'est le rayon. C'est impossible à l'homme de s'immortaliser par lui-même. C'est impossible à l'homme de, même si l'homme se recherche des pouvoirs, il va chercher des pouvoirs, puis éventuellement, il va se disconnecter, il va aller dans l'astral. Puis il va voir de lumière dans l'astral, puis il va penser qu'il est rendu quelque part. Il est rendu nulle part, parce que la lumière, ça ne vaut pas de la merde. Tout le monde parle de la lumière, puis de la lumière, puis de la lumière. Ça ne vaut rien de la lumière, de la lumière. Tout est lumière dans l'univers. Tout est lumière. Aussitôt que tu sors du plan matériel, c'est de la lumière. La vitale, c'est la lumière, l'émotionnel, c'est la lumière, l'alimentaire, c'est la lumière, ces autres plans, tout est lumière. Vous, si tout quelqu'un est lumière, il est panique, là. Il vient tout croche. Il devient mystique, s'assoit en dessous d'un arbre pendant des années, puis il crève, puis il devient des légumes. Il n'y a rien là, la lumière. Ce qui est important dans la lumière, c'est l'intelligence de la lumière, puis dans l'astral, dans le monde de l'âme, il n'y a aucune intelligence. Il n'y a aucune intelligence. L'âme n'a pas d'intelligence. L'âme n'est que mémoire. Mais il y a tellement d'informations dans l'âme que tout le monde pense que l'intelligence est là, puis elle n'est pas là pantoute. L'intelligence est un principe cosmique qui n'a rien à faire avec l'âme. L'intelligence existe dans l'univers avant que fût l'univers. Avant que les mondes matériaux fût créés, l'intelligence était déjà. La preuve, c'est que les mondes ont été créés après. Mais l'homme a mélanger l'expérience avec l'intelligence, l'homme a mélangé la lumière avec l'intelligence, et c'est pour ça que l'homme est demeuré prisonnier pendant des siècles, et des siècles, et des siècles, de l'illusion de la lumière, surtout chez les hommes qui ont vécu certaines expériences glorieuses de l'astral mystique. Il est temps que les hommes se réveillent, mais les hommes ne peuvent pas se réveiller par eux-mêmes, parce que la lumière ne peut pas réveiller les hommes. C'est l'intelligence dans la lumière qui peut réveiller les hommes. Et là où il y a de la lumière et où il y a de l'intelligence dedans, ça ne fait pas partie du monde de l'âme. Ça ne fait pas partie du monde de l'âme. Ça n'a rien à faire avec l'âme. Ça n'a pas une crise d'affaires avec l'âme. Ça fait partie du rayon de la création. Et chaque homme est lié au rayon de la création. Chaque homme est le produit du rayon de la création. Mais les hommes n'ont pas la capacité de vivre sous la vibration du rayon de la création parce que les hommes sont pognés par la mémoire de l'âme. C'est pour ça que lorsque l'homme commence à se conscientiser et qu'il commence à réaliser et à vivre cette vibration du rayon en lui, c'est là qu'il commence à se rapprocher de lui-même. Un lui-même qui ne peut pas connaître tout de suite, puis c'est pas important, oui, anyway, mais il commence à se rapprocher de lui-même. Et ce lui-même, il est dans les terres. Mais pour faciliter pour faciliter la prise de conscience du rayon. Il y a des hommes qui viennent sur la Terre et qui expliquent à l'homme comment ça marche. Et une des explications, c'est celle-ci. Qu'on a déjà expliqué, d'ailleurs, vous le savez depuis longtemps. Dans le mécanisme de l'illusion de qu'on pense, c'est une des premières manifestations du rayon. Un homme qui commence à réaliser que c'est pas lui qui pense, il commence déjà à être dans la manifestation mentale du rayon. Mais ensuite, il y a la manifestation émotionnelle du rayon. Il y a la manifestation vitale du rayon. Puis il y a la manifestation physique du rayon. Autrement dit, éventuellement, le rayon, il descend, puis il descend, puis il descend, puis il descend, puis autant l'homme le connaît, le reconnaît dans le mental, autant l'homme le reconnaît dans l'émotionnel, autant l'homme le reconnaît dans le vital, autant l'homme le reconnaît dans le physique. Puis quand l'homme reconnaît le rayon dans le physique, à ce moment-là, il passe à l'éther. Mais, pour commencer, il faut qu'il reconnaisse le rayon dans le mental. Et c'est la reconnaissance du rayon dans le mental qui permet à l'homme de transmuter son émotion, de transmuter ses pensées, et de créer en lui un autre champ de force, qu'on appelle le supramental, et c'est à l'intérieur de cette énergie-là que se fait éventuellement le joint entre le rayon et l'aspect créatif de l'homme. Mais notre psychologie est tellement faussée, qu'on s'imagine, parce que on est intuitif, parce que on reçoit des communications, parce que on se parle tout seul, on s'imagine souvent que c'est correct, tu te rends loin. Il y a deux centres de vie sur la Terre. Il y a deux centres de vie. Il y a un centre de connaissance et il y a un centre de science. Le centre de connaissance est dans les Himalayas. Et le centre de science est dans l'Atlantique. Il y a deux centres de science. Et ces deux centres-là ont deux vibrations totalement différentes. Et il y a des hommes qui vont aller vers le centre de connaissance de l'Himalaya et qui vont continuer l'opération de la spiritualité, mais à un niveau plus élevé de l'humanité. Mais il y a d'autres hommes qui vont aller vers le centre de science de l'Atlantique. Et la différence entre ces hommes-là et celle-ci, c'est que les hommes qui iront vers le centre de science de l'Atlantique, seront des hommes qui auront eu, au cours de l'initiation solaire, la capacité de reconnaître le rayon en eux, de vivre de la vibration du rayon, de vivre de cette présence, de vivre de ce feu-là, de cette présence souffrante-là, qui leur aura permis de détruire complètement les vestiges de la mémoire de l'âme en eux. Les autres qui n'auront pas été capables de vivre jusqu'au bout cette expérience du rayon, il leur demeurera une certaine expérience de la mémoire de l'âme et, à cause de leur vibration supérieure, pourront aller au centre himalayen. Mais il y a une différence entre les deux centres. C'est qu'au cours de la sixième race, il y aura sur la Terre un gouvernement invisible d'établi. Et le gouvernement invisible sera établi par des hommes, par des immortels, par des hommes. Et le rayon alimentera ces hommes et ces hommes seront responsables de la surveillance de l'évolution future de l'humanité, au lieu que l'humanité soit surveillée de très loin par des êtres qui font partie d'autres systèmes plus avancés. De sorte que l'homme aura le pouvoir de gérer sa propre évolution et de comprendre les mystères de sa propre évolution future. Et pour que l'homme comprenne ça, il faut qu'il puisse se comprendre parfaitement. Et pour que l'homme se comprenne parfaitement, il faut qu'il soit parfaitement et totalement dans le rayon. Il faut qu'il soit conscient du rayon. Et je m'amène à ceci pour vous dire ceci. C'est qu'au cours de votre existence, au cours de votre vie, dans les années qui viennent, vous allez avoir des périodes plaisantes, vous allez avoir des périodes de souffrance. Vous allez avoir des périodes difficiles parce qu'il va venir un moment où vous allez sentir trop la présence du rayon. Et la présence du rayon, quand elle se manifeste en tant que volonté, autant qu'elle peut se manifester en tant qu'amour, autant qu'elle peut se manifester en tant qu'intelligence. À certains moments, vous allez vivre de l'amour du rayon, de temps en temps, vous allez vivre de l'intelligence du rayon, de temps en temps, vous allez vivre de la volonté du rayon. Mais chaque fois que vous allez vivre de l'intelligence, de la volonté ou de l'amour du rayon, vous souffrirez parce que le rayon est trop puissant et parce que vos corps n'auront pas la résistance pour absorber sa vibration. Et il y en aura parmi vous qui ne pourront pas aller plus loin. Pas parce qu'ils ne voudront pas aller plus loin, mais parce qu'ils ne pourront pas aller plus loin. Alors, autrement dit, ils auront leur plafond et ces hommes-là iront vers le centre himalayen. Par contre, il y en a d'autres qui iront plus loin, qui iront au bout de la pénétration du rayon en eux. Autrement dit, ils seront totalement, totalement brûlés par le rayon à tous les niveaux de leur principe. Et ce sont ces hommes-là qui iront vers le centre de l'Atlantique où se retrouvent ceux qui seront responsables pour la science cosmique de la Terre. Ceci m'amène à ceci. C'est que tant que l'homme vit dans la mémoire de l'âme, tant que l'homme vit selon les lois de l'émotion et les lois de l'intellect, il s'apitoie sur lui-même. Il souffre de lui-même. Il se diminue dans lui-même. Il se décourage dans lui-même. Autrement dit, sa vie, est toujours conditionnée par l'extérieur. Ça va tout mal. Et tant qu'un homme s'en pense, croit, s'imagine que ça va mal, de l'extérieur, il est dans l'énergie de l'âme. Quand un homme est dans l'énergie du rayon, même si ça va très mal, c'est en dedans que ça va mal. C'est jamais de l'extérieur, parce que l'extérieur de l'influence. En dedans, ça peut aller bien mal, il peut bien souffrir en dedans. Mais à ce moment-là, il est obligé de le vivre, puis il ne peut plus faire autrement. Anyway, parce qu'il est dans l'énergie du rayon. Puis quand tu es dans l'énergie du rayon, tu es dans l'énergie du rayon. Tu n'y peux rien. Mais quand tu y peux quelque chose, c'est parce que tu es dans l'énergie extérieure du rayon. Autrement dit, tu es influencé par les forces extérieures qui se nourrissent de ton émotion, de ton mental et de ton vital. Et ça, ce sont les forces de la conscience expérimentale. Et ces forces sont renforcées constamment par l'âme. Et je vous dis ceci non pas pour vous donner du courage. Parce que quand tu te conscientises, tu n'as pas besoin de courage. Tu es force. Alors, le courage, c'est bon pour les enfants, le courage. Mais je vous dis ça pour que ceux qui sont faibles, ceux qui souffrent psychologiquement, pour leur faire réaliser qu'il y a deux chemins dans la vie. Il y en a un qui va vers la connaissance, et il y en a un qui va vers la science. Et il y a des hommes sur la Terre qui ne sont pas intéressés à la connaissance. Moi, j'en suis. Je suis intéressé à la science. La connaissance, moi, ça ne m'intéresse pas pantoute, parce que j'ai passé ce stage-là. Mais c'est un beau stage. Mais il y a un autre stage, un autre passage, qui est au-delà de toutes les aspirations de l'homme, même de l'homme qui est dans le centre himalayen et qui a pénétré dans le centre himalayen par le corridor du Capricorne. Il y a une dimension de l'expérience qui ne peut plus se calculer psychologiquement, qui est simplement vibrante. Et c'est cette dimension de l'expérience qui est liée au rayon et qui permet à l'homme de se désengager totalement de la vie matérielle, même s'il est engagé totalement dans la vie matérielle. Il peut s'en désengager totalement de la vie matérielle parce qu'il ne fonctionne plus selon les lois du mental et de l'émotionnel, autrement dit, selon les lois de sa mémoire. Et où se rencontre le pouvoir de l'âme sur l'homme et le pouvoir du rayon sur l'homme, c'est ça que l'homme doit découvrir. C'est ça que l'homme doit savoir, c'est ça que l'homme doit réaliser et il ne peut pas le réaliser tant qu'il ne le réalise pas. Parce que l'homme ne peut pas forcer en lui la descente du rayon. Parce que l'homme est marqué dans son évolution. L'homme est marqué dans son temps de vie. Si l'homme doit aller vers le centre himalayen, il va vers le centre himalayen. Il ne peut pas aller trop ici. Si l'homme doit aller vers le centre de science de l'Atlantique, il va vers là, anyway. Il est marqué. Mais je veux présenter à l'homme la division du chemin pour faire réaliser à certains que la recherche de la connaissance fait partie encore de la mémoire de l'âme et à d'autres que la recherche de rien fait partie de l'évolution de l'homme vers la conscience de l'Atlantique. Alors, si vous recherchez la connaissance, et je vous mets à dos contre ma réalité, parce que je ne peux pas vous mettre à dos contre d'autres choses, si vous recherchez la connaissance, et si vous continuez à rechercher la connaissance, viendra un jour où vous devrez cesser de rechercher la connaissance, et vous cesserez de rechercher la connaissance seulement lorsque vous serez commencé à être pénétré par le rayon. Ça, c'est la grande règle de mesure. Quand le rayon commencera à pénétrer en vous, vous n'aurez tellement plein de cul de la pénétration du rayon que vous ne serez plus intéressé à la connaissance. Mais tant que le rayon ne descendra pas en vous, vous serez attaché à la connaissance parce que vous aurez encore trop de la mémoire de l'âme. Le point de référence que je veux vous donner ce soir, c'est celui-ci. Watchez bien l'attitude que vous pouvez avoir, que vous pouvez considérer comme positive, que vous pouvez considérer comme créative, que vous pouvez considérer comme bonne, dans son caractère général, la recherche de la connaissance. Et lorsque vous ne rechercherez plus la connaissance parce que vous ne serez plus intéressé, ça sera un signe que le rayon a commencé déjà à pénétrer dans vos corps.